bouteille en main. Je vis des jours gris, je suis pas fan à du rire. Ah c'est la rue, je me suis fait des ennemis, rien qu'en mangeant du riz. Papa tape deux fois plus fort, petit frère a mûri. J't'ai frais du jaune sans fire, on dirait du curry. Toujours fidèle à la trahison comme meilleur ami. J'baisse le regard devant le décolleté que ta sœur a mis. Celui qui a pas de minerai dans les poches, malheur à lui. Quand ils m'ont vu sur mon plus beau jour, ça leur a nuit. Tout est gris. L'armée pluie. Mais ça passera. Comme le reste, comme la verse, sans rancune. Non les gars, on est quitte. Non les gars, tout est gris. Mais ça passera. Comme le reste, comme le reste, comme le reste. Comme la verse, comme la verse, comme la verse. Pourtant c'est ma foi qui soigne ma rage, t'es pas pasteur. Toujours les deux pieds dans le bise, le rap c'est qu'un passe-temps. Ouais si ils cherchent un motif pour pas t'aimer, passe l'heure. Au fond je crois que je le méritais, je me disais que j'avais pas de chance. Plavon qui mène au ballon, Hemdou là je suis pas dessus. Marqué par le charbon, si tu dis me reste des traces dessus. Non c'est que t'as pas vraiment la dalle si tu tries dans l'assiette. Ah bah tu pètes les plombs pour rien, tu cries dans la tête. Tout est gris. L'armée pluie. Mais ça passera. Comme le reste, comme la verse, sans cul. Non les gars, on est quitte. Non les gars, tout est gris. Mais ça passera. Comme le reste, comme le reste, comme le reste. Comme la verse, comme la verse, comme la verse. J'passe ma main par la vitre cassée du hall pour atteindre le bouton de la teubord. Posé contre les boîtes aux lettres, on prend pas la CB, l'échec ni la ce fort. Déchiré quand je pense à mes morts, tout le monde est persuadé que je parle au bigot. Je voulais découvrir mes racines, j'avais même pas de carte Navigo. Nique le genre, même dans une suite, je m'endors malheureux. Refrain, j'ai beau y penser, beaucoup j'en parle peu. Menotté au milieu du salon, j'étais pas fier. Je pensais être différent, mais en fait j'étais pareil. Tout est gris. L'armée pluie. Mais ça passera. Comme le reste, comme la verse, sans cul. Non les gars, on est quitte. Non les gars, tout est gris. Mais ça passera. Comme le reste, comme le reste, comme le reste. Comme la verse, comme la verse, comme la verse.